parce que tu es un homme et que tu es gentil, que tu sais rendre belle la vie. Toi, tu es gay comme un Italien quand tu le sais qu'il aura de l'amour et du vin. C'est toujours comme la première fois quand je suis enfin. Nicole Croisi, une femme avec toi sur RGM, un peu plus de 8h37, je peux même dire presque 8h38. On parle aux anniversaires. Ils sont nés un 9 octobre 1935, naissance d'Edouard de Kent, prince britannique, cousin de la reine Elisabeth II. 1936, naissance de Nicole Croisi, chanteuse, actrice française, vue dans Les Uns et les Autres, dans Les Misérables en 1995, dans le rôle de Madame Thénardier, la saga Dolmen et les séries Alice Nevers, Le juge est une femme ou encore Profilage. 1952, naissance de Pierre Jolivet, réalisateur français à qui l'on doit Ma petite entreprise et La très très grande entreprise. 1953, naissance de Tony Shalhoub, acteur américain vu dans Les valeurs de la famille Adams, Men in Black 1 et 2 dans le rôle de Jack Gibbs, Spy Kids 1, 2 et 3 dans le rôle d'Alexander Mignon. Mais c'est vrai qu'on le connaît surtout pour avoir joué le rôle d'Adrien Monk dans la série Monk et il était également producteur de la série. 1954, naissance de Scott Bakula, acteur américain, vu dans Code Quantum dans le rôle de Sam Beckett, Star Trek Enterprise, Chuck dans le rôle de Stephen Bartowski, NCIS Nouvelle-Orléans dans le rôle de Dwayne Pride. 1955, naissance de Linwood Boomer, réalisateur, acteur américain qui a produit la série télé Malcolm. En tant qu'acteur, il est connu pour avoir joué le rôle d'Adam Kendall, l'époux de Mary Ingalls dans la série La Petite Maison dans la Prairie. 1957, naissance d'Inny Kamoz, chanteur de reggae jamaïcain. 1961, naissance de San Severino, chanteur français. On écoute tout de suite un extrait de son titre, Les embouteillages. Écoutez la petite guitare. On est un peu jaloux qu'ils arrivent avant nous, mais on les laisse passer dans les embouteillages quand les motards te font merci avec les pieds, merci avec les pieds. Ce ne sont pas des êtres humains, mais une espèce de martien terrien. Ils ne connaissent pas la langue des mains. Ils vont les voir foncer libres comme l'air, heureux comme des gants élans. Ils ont l'air épanouis, un casque sur la tête et à leurs mains des gants. Ils font tout sur leur moto, mais la seule chose qu'ils ne pourront pas, c'est dormir en roulant, sinon le drap s'envolera, tu comprends? Dans les embouteillages, tu penses autant au temps coûtant, où tu n'auras plus d'onglet, où tu te mangeras les dents. Les arles à crédit, les japonaises débridées, passent entre les camions citernes et les quatre ailes de pompiers. Les filles sont en voiture, contrairement aux motards qui sont en moto, bien qu'il y ait des filles en moto, mais sous leur cuir, on ne les voit pas bien, on ne voit pas leurs seins. Surtout que sous un casque, on peut pas deviner si c'est un vieux hippie. Voilà pour l'extrait des embouteillages de San Severino. Allez, on continue les anniversaires. 1964, naissance de Guillermo del Toro, réalisateur, scénariste, producteur mexicain, réalisateur de Blade 2, Hellboy 1 et 2, La Forme de l'eau, récompensé par l'Oscar du meilleur réalisateur et du meilleur film, scénariste de la trilogie du Hobbit. 1969, naissance de Laurent Mariotte, animateur télé, radio, chroniqueur culinaire français. 1973, naissance de Terry Balsamo, musicien américain qui fut membre du groupe Evanescence entre 2003 et 2015. On écoute tout de suite un extrait du titre « Bring Me to Life ». Voilà pour l'extrait d'Evanescence. Allez, on continue les anniversaires. 1974, naissance de Yann Barthès, journaliste français qui a animé le Petit Journal entre 2004 et 2016. Il présente actuellement l'émission Quotidien. 1975, naissance de Sean Lennon, musicien américain, fils du chanteur John Lennon. 1979, naissance de Brandon Routh, acteur américain, vu dans Superman Returns dans le rôle de Clark Kent, alias Superman. La série télé Chuck dans le rôle de Daniel Shaw, la série Arrow dans le rôle de Ray Palmer, alias Atom, rôle qu'il reprend d'ailleurs en rôle principal dans Legend of Tomorrow. Il apparaît également dans la série Flash. 1983, naissance de Spencer Grammer, actrice américaine, vue dans la série télé Greek dans le rôle de Casey Cartwright et Chicago Police Department ou encore Grey's Anatomy. 1986, naissance de Laure Manoudou, ancienne nageuse française ayant fait carrière entre 2001 et 2008. Entre 2011 et 2013, aux Jeux Olympiques, elle a remporté une médaille d'or, une médaille d'argent et une de bronze. Championnat du monde grand bassin, 3 médailles d'or, 2 d'argent et une de bronze. Championnat d'Europe grand bassin, 9 médailles d'or, une d'argent et 3 de bronze. Championnat d'Europe toujours, mais cette fois-ci en petit bassin, 9 médailles d'or, 2 d'argent et 4 de bronze. Au championnat de France, elle compte 62 titres, 12 médailles d'argent et 11 médailles de bronze. 1996, naissance de Bella Hadid, mannequin américaine. En 1978, décédé Jacques Brel, chanteur et acteur belge, vu dans France, L'aventure c'est l'aventure ou encore L'emmerdeur. Et il y a 2 ans, nous apprenions le décès de Jean Rochefort, comédien français, vu dans Angélique, marquise des anges et merveilleuse Angélique dans le rôle de Dégrèze, Les tribulations d'un chinois en Chine, Le grand blond avec une chaussure noire, ainsi que Le retour du grand blond dans le rôle du colonel Toulouse, Que la fête commence dans le rôle de l'abbé Dubois, récompensé du César du meilleur acteur dans un second rôle, Un éléphant s'attrompe énormément, Le crabe tambour dans le rôle du commandant, César du meilleur acteur, Le château de ma mère, Prêt à porter, Le placard, Ne le dis à personne, Astérix Obélix au service de sa majesté ou encore la série télé Les Boeufs Carottes dans le rôle du commissaire Antoine Venturi. Allez, avant de parler des sorties ciné, on va se faire une petite pause direction le billet de sortie. C'est Lia qui nous parle du Festibio. À toutes et à tous, il est temps de faire un petit tour vers le billet de sortie pour ce qui vous attend, entre autres, ce week-end. Et tout de suite, on vous parle de Festibio qui aura lieu le samedi 12 octobre de 10h à 19h et dimanche 13 octobre de 9h à 18h à Docelles. L'entrée est libre et le thème est l'agriculture et l'alimentation. Et vous retrouverez sur place une cinquantaine d'exposants qui proposeront des produits bio et écologiques, des associations qui vous feront découvrir leurs actions autour de l'humain et de l'environnement, des échanges, débats sur l'agroécologie, l'agroforesterie, l'autonomie alimentaire territorialisée, le burn-out et le jardinage. Vous y retrouverez également un espace agricole et des expositions. 40 variétés de fruits d'automne vous seront proposées et il vous sera possible de vous restaurer bio et local. Entre 11h30 et 14h30, le samedi et le dimanche, une buvette bio et locale sera également à votre disposition. Quant aux animations et aux ateliers de création, eh bien vous retrouverez du troll ball, un jeu de balles et d'épées en matériaux de récupération. Le Grand Duc qui part en chasse est un jeu revisité sur la thématique des rapaces nocturnes. La carte d'identité de ma petite bête chérie est un jeu d'apprentissage de collecte et d'identification des insectes. À la découverte des producteurs est une balade animée par les familles sous forme de jeux et interviews des producteurs par l'outil radiophonique, jeux en bois et jeux de société nature et enfin atelier de création pour construire des niches à abeilles solitaires, des instruments de musique, des fresques aux encres et techniques naturelles. Quant aux informations et inscriptions, eh bien ça se passe sur www.biograndest.org, B-I-O-G-R-A-N-D-E-S-T, auprès de Carole Tonin. Pour l'adresse mail, eh bien c'est contact-6-gab88@orange.fr, GAB pour Gab, et au 07 69 27 03 91. Voilà pour ce Festibio qui aura lieu à Docelles ce week-end. On rappelle que l'entrée est libre. On vous souhaite une très belle journée sur Radio Gémozo. À bientôt. Merci Lia. Tout de suite, on fait un point donc sur les sorties cinéma, comme tous les mercredis. On commence avec un film dont tout le monde parle en ce moment, c'est Joker, un drame de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix dans le rôle du Joker, aux côtés de Robert De Niro et Zazie Beetz. Autre film, Chambre 212, comédie-drame de Christophe Honoré avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste ou encore Camille Cotin. Autre film, Sœur d'armes, un film d'action-drame de Caroline Fourest avec Dylan Gwynn, Amira Khazar et Camélia Jordana. Autre film dont on parle également en ce moment, Donne-moi des ailes, un film d'aventure de Nicolas Vanier avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Douté ou encore Louis Vasquez. Et on va enchaîner avec deux films d'animation pour les enfants si vous ne savez pas quoi faire aujourd'hui et que la météo sera normalement maussade. Et bien direction le cinéma avec tout d'abord La Grande Cavale ou encore la fameuse invasion des ours en Sicile. Et on termine ces sorties cinéma avec Papicha, un drame de Mounia Medour avec Lina Koudri, Shirin Boutella ou encore Amira Hilda Douaouda. Voilà, excusez-moi pour la prononciation, c'est pas facile. Allez, tout de suite, on va marquer une pause musicale avec Inika Moz. Alors, si comme ça, le nom de ce chanteur ne vous dit rien, c'était mon cas en préparant cette émission. Eh bien, ce titre, vous le connaissez forcément. Ça s'intitule Here Comes the Hot Stepper. Et on écoute ça tout de suite. Here comes the hot stepper, I'm the lyrical gangster, big up the crew in the area, still have it like that. No, no, we don't die, yes, we multiply. Anyone press will hear the fat lady sing. Act like you know, recall, I know what bow, don't know, touch them up and go. Uh-oh, cha-cha-ching. Still love you like that. Extraordinary, juice like a strawberry. Money to burn. Sur le 107 FM, un peu plus de 8h53, on fait un point météo. La météo. La météo de ce matin, elle est plutôt clémente, principalement nuageuse, mais ça va vite se dégrader pour avoir de la pluie cet après-midi. Des températures comprises entre 10 et 11 degrés le matin, entre 12 et 14 degrés pour cet après-midi. Pour jeudi, on commencera la journée avec de la pluie et les éclaircies se feront sentir tout au fil de la journée. Des températures comprises entre 10 et 11 degrés le matin, entre 13 et 14 degrés prévues pour demain après-midi et pour vendredi. On devrait avoir une belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 8 et 9 degrés le matin, entre 16 et 17 degrés prévues pour vendredi après-midi. Allez, tout de suite, on fait un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Allez, on va commencer avec une bonne nouvelle. On va parler du judo avec le grand slam du Brésil et la victoire de Teddy Riner qui enchaîne une 152e victoire consécutive. Et la finale a été on ne peut plus expéditive. 20 secondes seulement. Voilà, c'est le temps qu'il a fallu à Teddy Riner pour s'imposer face aux Brésiliens en finale. Deux autres médailles pour des Françaises. Elles sont en bronze pour Julia Tolofo et Audrey Tchomeo. Un mot de tennis avec côté féminin le tournoi de Linz, la qualification d'Alizé Cornet en 2-7 face à Strikova, 6-4, 6-4, qualification de Mladenovic en 2-7, 6-7, 7-5 face à Siniakova, en revanche élimination de Ferro face à Sigmund en 3-7, 6-2, 5-7, 7-5. Pas de Française sur les cours aujourd'hui. On reste avec les filles à Tianjin aujourd'hui, en ce moment même d'ailleurs, Caroline Garcia est en train d'affronter affronter Wang. Et à Shanghai, ce n'était pas fameux pour nos Français hier. L'élimination de Richard Gasquet en 2-7 face à Goffin, 6-2, 6-3. Élimination de Monfils en 2-7 face à Urquaz, 6-2, 7-5. Élimination de Benoît Paire, qui est d'ailleurs à bout, hein, comme il l'a déclaré. En 3-7 face à Basil Ashvili, 6-4, 1-6, 6-2. Benoît Paire qui va prendre quelques jours de repos. Hier, on a vu la qualification de Lucas Pouille en 3-7 face à Lee, mais il s'est incliné un petit peu plus tôt dans la matinée face à Isner en 2-7, 7-5, 6-3. Et aujourd'hui, Jérémy Chardy affrontera Alexander Zverev. Un mot de hockey sur glace avec tout d'abord la CHL et le cinquième match de poule pour Grenoble qui se déplaçait à Berne et malheureusement défaite des Grenoblois 4-1. On reste toujours avec le hockey sur glace. Hier matin a eu lieu le tirage du prochain tour de la Coupe de France et il y aura une belle affiche à la patinoire de Poissompré d'ici quelques semaines puisque le club spinalien recevra l'équipe de Mulhouse. Un mot de cyclisme avec Julien Alaphilippe qui a annoncé hier mettre un terme à sa saison. Il ne participera ni à Milan-Turin ni au Tour de Lombardie. Il a d'ailleurs déclaré sur son compte Instagram « Bonjour à tous, je vous annonce que je mets un terme à ma saison 2019. Après avoir tout donné tout au long de l'année, j'ai fini complètement épuisé après les classiques et le Tour de France. J'ai travaillé dur pour atteindre un troisième pic de forme, mais beaucoup de fatigue accumulée me force au repos pour pouvoir revenir et préparer au mieux la saison prochaine. Je remercie l'ensemble de mes coéquipiers, le personnel de mon équipe, ma famille, mes amis et vous tous pour le soutien tout au long de cette année qui restera inoubliable et gravée en moi. Merci à tous, à très vite. » C'est vrai que Julien Alaphilippe a vraiment connu une saison exceptionnelle. On le rappelle, il a passé plusieurs tours en jaune sur le Tour de France cette année, rien que ça. Allez, on termine ces infos sportives avec du football. Tout d'abord, football féminin avec un match de qualification pour l'Euro hier. La France a disputé un match au Kazakhstan et nos Françaises se sont imposées 3-0. Des buts signés Gauvin, Le Sommer et Katoto. Et enfin, on parle de l'équipe de France dont le match contre l'Islande approche, hein, c'est ce vendredi. Eh bien, un nouveau forfait côté bleu, celui de Kylian Mbappé. Il sera remplacé par Alassane Pléa. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Jacques Brel et la valse à mille temps. Bon courage pour ceux qui veulent la chanter. Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt temps. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt temps, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps. Seul aux amants, 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux, une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà.